À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le Comité national d'études des instituts du Congo démocratique a publié le 23 juin un numéro spécial de son bulletin. Sous le titre « Père affectueux du peuple », l'auteur a écrit que le président Kim Il-sung, fondateur de la Corée socialiste, était avant le leader d'un État, le père affectueux, chargé de la vie et du destin du peuple.